Audiomatique. Thank you. Pour amorcer la transmission 446 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe suisse X, qui s'orthographie H-E-X. De son premier album homonyme paru en 2018, nous entendions la pièce High Rise. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste américaine Sharon Van Etten d'assurer la continuité à Audiomatic. Stay. Overripe on the vine, wild creatures. Audiomatic. C'était Charles Mingus and his jazz groups et la pièce Farwell's Mill Valley que l'on retrouve sur l'album Mingus Dynasty, publié en 1960. Précédemment à Charles Mingus, il s'agissait de Moby, accompagné de la chanteuse Sylvia Gordon, qui nous offrait la chanson-titre de l'album de 2008, Last Night. Et pour débuter, nous avions droit à Sharon Van Etten, qui nous interprétait la chanson Memorial Day de son avant-dernier album Remind Me Tomorrow, paru en 2019. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le projet canadien Euphoria. Thank you. Thank you. Audiomatic, nous avons entendu le compositeur new-yorkais Andy Thiersten et sa composition Rhapsody, qui est parue sur la compilation The New York Foundation for the Arts Collection 25 Years of New York New Music, lancée sur l'étiquette Innova en 2010. Et en premier lieu, c'était le projet canadien Euphoria, mené par Ken Ram, et sa pièce Delirium, ici remixée par Fila Brasilia. Cette version peut se retrouver sur le mini-album Delirium Remixes, tandis que la version originale, elle, est sortie sur le premier album homonyme de Euphoria, paru en 1999. En conclusion de cette transmission 446 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe anglais Thought Forms, de son deuxième album Ghost Mountain, sorti en 2012. Nous écouterons la chanson Song for Junko. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic.cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Thought Forms et la chanson Song for Junko. C'était Audiomatic avec les sonoristes.